musique. Jésus en musique, votre espace musical. Un cocktail de musique chrétienne, de chants de louange et d'adoration. Jésus en musique, c'est aussi les anciennes gloires et les meilleures sonorités du moment. Des rencontres musicales, des entretiens avec les partenaires de la musique chrétienne. Une heure de causerie débat, d'entretien avec les partenaires de la musique en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Animateur, producteur, promoteur des spectacles à caractère musical, artiste musicien, arrangeur, manager chrétien. Cette émission est la vôtre. Jésus en musique, c'est la musique d'ici et d'ailleurs sur les 89.4. Présentation, François Delormas. El Shaddai. De consoler tes enfants. Source de vie, c'est le moment. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Fidèle auditeur de Jésus en musique, voilà. Is there no one like you? Oui, is there, donc, on est chez les Igbo, hein. Quand l'Igbo parle de is there, Ekwueme, Chineke, roi, Dieu éternel. No one like you, il n'y a personne comme toi. Personne ne peut me toucher comme toi tu me touches. Personne ne peut me bénir comme toi tu me bénis. Auditeur, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Hein. Vous êtes avec nous en compagnie de Prosper Oshimana. Nous sommes là pour présenter son nouvel album, Ekwueme. Hein. Voilà. Il chante en anglais, il chante en ethnou. Amen. Alléluia. Ça touche, hein? touche. Guéris quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Regardez l'organiste qui l'accompagne à propos. On sent qu'il accompagne. Il est dans l'esprit du chant. Et il reprend une onction de guérison, de délivrance autour de lui. Yes. Il vit le chant. Yes. Ouais, you are the living God. Tu es le Dieu vivant. Il n'y a personne comme toi. Yes, sir. Dieu éternel. Il appelle. Alléluia. Alléluia. Il chante avec ses tripes. Il émet des cris. Comme s'il devait. Il dit à Dieu, je reconnais que tu es grand. Il n'y a personne comme toi. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'éternel. Regardez. Le chant de l'organiste accompagne. On sent que c'est une sorte de prédication chantée. Tu cours, voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. Et vous voyez, le batteur qui tape sur la Charleston pour acquiescer. Pour dire qu'il est d'accord avec le contenu du message. Il vient de dire, chante mon frère. Alléluia. Et regardez toute l'architecture, toute l'ambiance qui règne autour du chant. Alléluia. Écoute-moi. Voilà. Vous voyez les effets qu'on provoque pour toucher la sensibilité. Yeah. Tu me rends libre. Tu es le Dieu vivant. Essaye, il n'y a personne comme toi. Alléluia. Alléluia. Tu me délivres. Tu es le Dieu vivant. Is there no one like you? Yes. Oui. Is there, il n'y a personne comme toi. Narcisse, bonjour. Comment ça va, Big Manager? Oui, ça va bien. Bonjour. Bonjour, grand frère. Alors, vraiment, vraiment, il n'y a pas une meilleure introduction que ça. Oui, effectivement. D'entrer dans le champ. Le chant promo. Oui, effectivement, je vais d'abord, de prime abord, saluer le peuple de Dieu. Mm-hmm. Il a dit que nous avons un grand Dieu, puissant. C'est vrai, souvent on utilise des mots, mais on ne prend pas le temps de peser les mots que nous utilisons. Mais je pense qu'au travers de cette chanson, c'est toute une expression à revenir, à peser la qualité des mots que nous utilisons pour louer Dieu. Pour qualifier ce Dieu que nous servons, à qui nous avons placé notre foi. Prosper Ishioma prend le temps de peser chaque mot. Parce que quand il dit « Ekouemé », c'est pour dire à ce Dieu-là, pour dire à ce Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, fait chair, qui est venu habiter parmi nous et qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé, pour que les malades guérissent, pour dire simplement « Ekouemé », celui qui dit « Et la chose arrive, comme pour le dire le psaume. Il ordonne et les choses existent. Et ce soir, nous croyons qu'au travers de cette émission, à sortir de cette émission, des vies seront restaurées parce que la promesse de l'Éternel va s'accomplir certainement pour toi. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un à se disposer parce que cette émission, je pense que quand nous en l'a fait, c'est pour proclamer que le Dieu qui dit et les choses arrivent, mm-hmm. qu'il ordonne une parole pour toi qui es couché, quand on est malade, qui te sens bloqué, que le déblocage soit. Parce qu'il est celui qui a la parole de la vie. Il est le Dieu créateur. Mmh. Celui qui a bouleversé l'univers par sa parole. Alléluia. La Bible déclare que les choses étaient en forme vide. Mais lorsqu'il a dit, et les choses ont commencé à s'installer. Alléluia. Depuis la création jusqu'à maintenant. Comme un enfant qui appelle son père. Yes, on sent une certaine intimité. Il reconnaît la divinité de Dieu. Si je peux m'exprimer ainsi. Il reconnaît la seigneurie du Seigneur. Alléluia. Il n'y a personne ne peut faire comme toi tu fais. Personne ne peut faire comme toi tu fais. Aïe aïe. Is there no one like you? You picked me from the miry clay, set my feet on a rock to stay. You are my promoter, you are my defender. Yes. You are the living God. Il est en train de lever Dieu, merci. Celui qui donne la vie, mon restaurateur. On sent que. Regardez ça. Alléluia. Alléluia. Oulala. Des sons qui percent. Alléluia. Ça perce. Ça guérit. Ça apaise. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci. Voilà, cette manière de chanter, c'est-à-dire, il a beaucoup d'effets, beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions, beaucoup, hein. C'est fort. Oui, vous savez, quand on arrive à un niveau de compréhension de la grandeur de Dieu, on ne peut qu'exprimer que cela. Vous savez, Ekweme est simplement une chanson pour réclamer, pour rendre d'abord gloire, louange et célébration à Dieu pour ce qu'il aime, mais parce que nous sommes à la recherche de la grâce, de la plénitude et de ce que nous avons tant désiré, des promesses de l'Éternel pour nous. Et vous voyez, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il se laisse aller par sa culture. Il n'a pas honte de chanter et de louer Dieu en hibou. Pour dire à quelqu'un, il ne faudrait pas que tu aies honte de chanter ou de célébrer Dieu dans ta langue. En bété, en djoula, en bambara, on en passe. Il le fait si bien. Mais pour magnifier la grandeur, pour dire à Dieu, tu es le Dieu qui ordonne. Yes. Tu es le Dieu qui est à même de toucher. Tu touches d'une façon particulière. Regardez ce qu'il fait. Yes. Alléluia. Ah oui. Le bâton qui ne peut pas se retenir, hein. C'est fort. C'est fort. Ekweme. Oh oui. Alléluia. Yes. Alléluia. C'est le signe de l'appartenance à Dieu, quoi. Une appartenance totale. C'est une relation de. Cette symbiose, cette complémentarité, cette complicité. Hein. Regardez ça. Alléluia. Narcisse, les auditeurs ont besoin du point de contact. Où on peut avoir l'album. Et puis tout ce que tu sais. Parce que. Il y a des réactions déjà qui fusent de partout. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs? Ils attendent ça de pied ferme. Qu'est-ce qu'on peut leur dire déjà pour les rassurer par rapport à cet album? Déjà, l'a dit que l'album est disponible ici à la radio Fréquence Vie. Il coûte 3000 francs. Et il est disponible à la FNAC, donc Cap Sud, Cap Nord. Il est aussi disponible à la librairie CLC Trècheville. Et il est disponible à la librairie Carrefour à Cocody-Saint-Jean. Et nous voulons dire que Tuxmo Productions représente Prosper Ishimana, ici en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes situés au plateau de Tui, donc juste à côté de la pharmacie Azur. Et les contacts téléphoniques, c'est le 07 56 27 00. 07 56 27 00. Ou les 01 41 27 04. Living God, Is there no one like you? Is there no one like you? Yes. Is there no one like you? Ekueme, ekueme, ekueme, ekueme. You are the living God. Is there no one like you? Alors, ce sont des paroles fortes. Alors, quand un adorateur dit ceci de Dieu, hein, tu es le Dieu vivant, il n'y a personne d'autre comme toi. Ce ne sont pas des paroles qu'on récite, mais c'est du vécu. Il a une expérience, une certaine expérience avec le Seigneur, n'est-ce pas, qu'il veut partager. Oui, faut dire que Prosper et Shomana, c'est vrai que c'est un album qu'on retrouve sur Ekweme. Ekweme était d'abord un maxi single qui est sorti en mai 2007, mais qui est toute l'expression d'un vécu. Parce que vous savez, quand vous traversez des moments difficiles et que vous arrivez à comprendre que le Seigneur vous dit « Je suis celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et la chose existe », vous comprendrez que la dimension de votre adoration, de votre louange va commencer à changer. Je pense que ce soir, nous sommes venus répondre à une prière. Je pense que ce soir, au travers de cette émission, nous sommes venus dire à un chrétien, nous sommes venus dire à un adorateur que tu as tant adoré, tu as tant célébré. Mais le Dieu que tu sais te dit, je suis celui qui dit et la chose arrive et la promesse pour toi s'accomplira certainement. Parce que Dieu a un temps, Dieu a une heure et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être des boucs, nous devons être des brebis. Parce que la brebis est celui qui suit son maître et qui entend la voix de son maître. Et ce soir, au travers de Kouémé, c'est pour célébrer Dieu, certes, mais pour dire que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, et à même de pouvoir changer les conséquences négatives en bonnes. C'est pourquoi il est celui qui se tient. Il est celui qui est le guérisseur par excellence. Il est celui qui permet au lion d'avoir de quoi manger. Pendant que toi tu te soucies, la Bible déclare que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Quel est ce Dieu-là qui est à même de pouvoir donner à ceux-là qui n'ont ni semé, qui n'ont rien fait? Pourtant, toi, tu as 10 mains, tu as 10 doigts. Dieu a pris le temps de te créer à son image, à sa ressemblance. Et encore, tu es en train d'inquiéter. Mais ce soir, au travers de cette émission, je crois que ce n'est pas un hasard. Parce que la Bible déclare que tout ce que le Seigneur fait est bon. Je crois que ce soir, ta réponse est que Dieu s'est chargé ce soir, au travers de cette émission, pour te répondre. Et tu dis qu'il le fera. C'est une œuvre de 11 titres, hein, mais c'est à dessein que nous insistons sur ce titre. Parce que c'est le titre de l'album. Voilà, écoutez ça. Vous voyez? Le batteur qui acquiesce. The living God. Is there no one like you? Tu es le Dieu vivant. Écoute-moi. Une sorte de... Ça va au-delà des complètes, c'est une expression vraie du vécu. Et dans la manière dont dans la prononciation, dans l'articulation, dans les réverbérations, on sent, voilà, il est touché, on sent une certaine intimité. Par exemple, le Nigérien dit écoute, mais eze, qui n'est que c'est. C'est pas un musulman. You are the living God. Ouais. Ça c'est les onomatopées qui... Voilà. Ça c'est l'ensemble qui monte comme ça. God. Is there no one like you? Voilà. Ouais, il est touché. Et il communique quelque chose. Délicat spécial, et ce n'est pas Degua qui nous dira le contraire. Je parle de Degua, le responsable, l'homme. Parce que les femmes naturellement sont émotives. Mais quand l'homme tombe dans les émotions, c'est que l'onction est montée. Antakoué. Délicat spécial Antakoué Romaric. Romaric, ce n'est pas un homme, c'est une femme. C'est l'épouse de quelqu'un. On continue. Il acquiesce pour dire You are Jéhovah. Tu es Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Jéhovah. J'aime bien l'écriture de Jéhovah à cause du H aspiré. Alléluia. Ma six, t'as quoi? T'as quel instrumentiste? On est dans quel dans quel orchestre ça? You are in Jehovah. On écoute. You're the mighty man in battle. You are in Jehovah. You're the mighty man of war. You are in Jehovah. You are in Jehovah. You are in Jehovah. You are the mighty man in battle. You are in Jehovah. You're the mighty man of war. I don't need to fight again. You are the mighty man in battle. You are Jehovah. You are the mighty man of war. You are Jehovah. Les démons tremblent lorsque nous appelons. Tu es l'homme. Je le dis de façon littérale, tu es le puissant homme dans les combats. Tu es le puissant homme. Dans la guerre, il y a des puissants guerriers. Tu es Jéhovah. Amen. Tu es Jéhovah. Il appelle. Alléluia. Il y a même beaucoup d'émotions dans ces chants. Je vais vous demander ce qui c'est Prosper Oshimana. Prosper Oshimana et le titre de l'album c'est Ekwembe to the Wilder Project. Invisible God is not like you. Alléluia. You are worthy to be praised, God. Amen. You are the mighty man. Parce que tu es le Dieu qui combat. Oh God, tu es Dieu. Alléluia. Tout puissant. Alléluia, auditeur. Regardez le cœur qui monte comme des anges. Et il est inspiré. J'imagine l'ambiance dans le studio. Vous voyez? Et le cœur qui soutient, on sent de façon crescendo. Voilà, c'est un terme musical, crescendo. Une certaine évolution, une certaine ascension. on va dire, voilà, on évolue, voilà, on prend l'ascenseur, et voilà, voilà, et on est en train de monter, et regardez le cœur. Tu es Jéhovah, tu es Jéhovah. Alléluia. Tu es l'homme puissant de la guerre. Tu es l'homme puissant de la guerre. Alléluia. Tu es Jéhovah. Alléluia. Alors, merci. Merci de taper. Enfin, cela. Quand on a écouté Ekwueme, on a pratiquement passé tout le temps. Et puis, quand on écoute Béné Jéhovah, on voit que, effectivement, c'est quelqu'un, c'est du sérieux. Oui, il faut dire que Ishioma. Ishimana n'est pas venu comme ça, n'est pas même pas venu, on dira, mais il est quelqu'un qui a pris le temps de faire l'école. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, faut dire pour l'actualité, il côtoie des chanteurs, non des moines comme Joe Mitchell, Sonny Badu pour des événements. Pour dire qu'aujourd'hui, Prosper, c'est un label, c'est une identité, je veux dire, spirituelle, qui permet aujourd'hui d'inviter tous ceux qui font la musique à mettre du sérieux, à être des personnes consacrées. Parce que quand vous l'écoutez, vous sentez toute l'âme, oui, tout l'esprit. Oui, oui, l'usage du violon. Qui sont d'abord sa personne. Et puis vous comprenez l'ensemble qui l'accompagne. Oui. Fait un avec lui. On sent cela. On sent une symbiose. Voilà. Donc on sent cette harmonie qui permet aujourd'hui à quelqu'un de pouvoir se plonger dans cette adoration. C'est vraiment un conducteur. Oui, c'est un conducteur. C'est bien dit. Voilà, c'est le terme approprié. De louange. Il ne vient pas pour faire montre de sa personne, mais il vient exprimer comme un psalmiste la grandeur, la bonté d'un Dieu en qui la foi. Yeah. Et je veux que cela soit pareil pour quelqu'un qui entend nous écouter. Alléluia. Les groupes musicaux sont invités. Alléluia. À faire pareillement. Alléluia. Mais surtout, ce qui me marque, c'est cette identité culturelle qui se ressent dans cette adoration, dans cette élévation. Sans marquer de parler en anglais, mais pour dire à quelqu'un, pendant que tu adores Dieu en français, tu peux utiliser une expression de ta langue pour dire à Dieu ce qu'il est. Et c'est cela aussi qui je veux dire, au-delà de la chanson, qui est pour nous un enseignement pour les groupes musicaux. Parce qu'il faut aussi le dire, nous sommes amenés, non pas seulement, c'est vrai que quelqu'un dira, mais moi je ne comprends pas bien ma langue, mais il y a un mot que tu comprends dans ta langue. Alléluia. Il faut pouvoir le dire. 07 56 27 00. 07 56 27 00 et 01 41 27 04. 01 41 27 04. Nous sommes avec vous en train de parcourir l'album de Prosper Ishimana. Yes. Never look around. Très bon chanteur. Il donne l'envie de l'écouter, quoi. C'est ça. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est extraordinaire. More than I can see. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Regardez le jeu des instrumentistes. Ça respecte Dieu. On sent sa présence. Et toute l'expression de ce que Dieu effectivement siège dans la louange, c'est extraordinaire. Yahweh, Yahweh. Yes. Regardez l'organiste, le jeune de l'organiste, qui est en train d'écouter le chanteur et on sent qu'il respecte le chant. Voilà, il suit ses pas. Voilà. On sent la communication. On laisse le lead exprimer son état d'âme, son état d'esprit. Yes. Alléluia. Simplement pour dire au travers de ce son que il n'y a personne qui jette un regard autour de moi. Alléluia. Oh, il n'y a que Jésus seul qui peut jeter un regard favorable sur ta personne. Et c'est cela la pensée. Et pour résumer cette chanson, il aime Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu. On sent qu'il aime le Seigneur. Alléluia. Celui qui regarde. L'album, c'est tout simplement Ekwueme, ouais, Prosper Oshimana. C'est disponible, hein? Oui, disponible. On peut l'avoir? Oui, disponible. Il est disponible actuellement à la fréquence vie, au prix de 3000 francs. Disponible à Cap Sud, Cap Nord, 3000 francs. CLC, rue 12, à Trècheville. Librairie Carrefour à Saint-Jean. Et vous pouvez l'avoir. Et puis disponible à Tuxmo Productions, situé à. Au plateau de Cuy, juste à côté de la pharmacie Azur. Je précise que pour le numéro de téléphone, c'est 07 56 27 00, 07 56 27 00, 01 41 27 04, 01 41 27 04. Nous précisons que l'album est un album de 11 titres. Ishimana Prosper nous vient du Nigeria. Et je précise que l'album est aussi représenté par Tuxmo Productions et nous voulons encore inviter quelqu'un à être un adorateur. Un adorateur. C'est cela notre mission, c'est cela notre vocation. Et je pense qu'au travers de cet album, vous avez l'occasion vous aussi de pouvoir continuer cette adoration-là, pour vous rapprocher encore du Seigneur. Vous savez, il y a une chose qui me marque quand on lit la Bible. C'est que c'est dans les psaumes que j'ai découvert que lorsque David parlait, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, oublie qu'elle ne s'est bien fait. » Quand vous lisez le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est pas parce qu'il avait un manque. Nous savons d'où David est quitté. Mais quand quelqu'un arrive à rendre un tel témoignage, une telle adoration, une telle célébration, c'est parce qu'il comprend. Vous savez, prenez le temps de vous asseoir et de regarder autour de vous. Vous allez comprendre que Dieu a fait des choses qui dépassent notre entendement. Quelqu'un disait, tout ce que Dieu fait, bon. Il y a une petite histoire que je vais raconter rapidement. Un roi avait un serviteur. Et ce serviteur lui disait toujours, tout ce que Dieu fait, bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu ne se trompe jamais. Et ils sont allés, une fois ils sont sortis, aller faire une chasse. Et pendant la chasse, il s'est trouvé que un lion a surgi. Et le temps de pouvoir le tuer, il a coupé l'un des doigts du roi. Et cette nouvelle version dit que chaque fois que ton Dieu est bon, qu'il ne se trompe pas, voici mon doigt est coupé. Et le serviteur va lui répondre que Dieu ne se trompe pas, mon Dieu est bon. Et malgré cela, il l'a mis en prison. Et le roi est sorti. Et voici qu'il était enlevé par un peuple cannibale. Et ce sont des adorateurs. Il fallait, comme c'est un roi, il fallait donner un sacrifice humain. Et ils ont constaté qu'il lui manquait quelque chose, un doigt. Et on ne peut pas faire un tel sacrifice à leur Dieu comme ça. Et ils lui ont épargné la vie. Et quand il est revenu, il arrive voir son serviteur, il lui a dit, mais tu dis que ton Dieu est bon. C'est vrai, j'ai été sauvé. Mais que ton Dieu ne se trompe pas. Il dit, oui, effectivement, mon Dieu ne se trompe pas. Que si j'étais avec toi, que tu ne m'as pas mis en prison, c'était moi qui serais pris. Donc mon Dieu ne se trompe pas. Pour dire à quelqu'un que le Dieu que tu sais est un Dieu qui fait toutes choses bonnes. Il est le créateur de l'univers, de tout ce qui se passe autour de toi. La Bible dit que quand les démons le voient, ils tremblent. Pour dire à quelqu'un, ne pense pas que ta circonstance est une erreur de Dieu. Mais Dieu l'utilise pour pouvoir glorifier son nom. C'est pourquoi je t'invite à suivre le plan de Dieu pour ta vie, pour ta personne. Et tu comprendras que même les injures seront comme rien à tes yeux. Même les on-dit, ils seront comme rien à tes yeux. Parce que tu sais que le Dieu que tu sais est celui qui dit et il le fait. Il ordonne et la chose existe. What it to be pleasure. Non, le bon sommeil. Donc vous comprenez que vous avez une raison d'adorer Dieu. Pour que votre louange se transforme en une adoration. Wolf, fi, to be praised. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Alors moi, ça me plaît. Quand il intervient en langue, on sent que... Yes. Je veux qu'on aille au 7. Hein, au 7, pour être dans la dynamique de ce qui vient de dire, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Ouais. The great I am. Ouais. Ouais, je suis le grand Dieu. Grand je suis. Le Dieu élevé, le Dieu puissant. Je suis élevé, je suis puissant, je suis grand, je suis vivant. Tout ce qu'on peut imaginer. Yes. Yes. He is the great I am. Nobody like him. Yes. He is the great I am. Alléluia. Il est en train de montrer ce que Dieu représente. Oui. Il n'y a personne d'autre comme toi que toi. Le Dieu grand. Celui qui a fait les montagnes. Le montagne, voilà. Qui a fait le ciel et la terre. Qui a fait les vallées. Voilà. Yeah. You are the great I am. Yes. Tu es grand. Tu es grand. You are the great I am. Ouais. You are the great I am. Quand Dieu dit à Moïse, si les gens te demandent, faut leur dire que je m'appelle Je suis. Yes. You are the great I am. Je te rappelle, auditeur, que si tu viens de nous prendre en marche, tu fais bien. Tu es avec nous, Jésus en musique. Nous sommes en train de parler de Prosper Okimana. Et l'album, c'est Echo et Mai. Vous voyez donc une image assez sombre. Il a jailli donc, l'image donc, du chantre pour montrer combien de fois. Eh bien, la lueur d'espoir, la lumière du Seigneur donc qui vient pour, en quelque sorte, mener, créer un contraste avec les ténèbres et parlant donc de la grandeur de Dieu, de ce qu'il représente. Et remarquez la quasi-totalité des cantiques, par exemple, et comme le titre phare, Aisez Dieu, Dieu tu es grand, et il n'y a personne d'autre comme toi. Ici on montre que c'est le Seigneur seul qui, dans des situations difficiles, nous donne de sortir des ténèbres, du carcan des œuvres de l'ennemi pour eh bien, revivre une lueur d'espoir avec Jésus. Et les titres en disent. Et puis ce que je remarque ici, par exemple, le chant Ekome, il y avait un featuring avec un artiste. Bon, les noms Ibola sont très difficiles, Voilà, bon, je ne vais pas prononcer. Et puis, Dojima Nwojo, featuring avec Abigail. Et puis, Not My Will, voilà, non ma volonté, mais celle de Dieu. Featuring avec Joe Abou. Voilà. Et puis, Show My Song, c'est-à-dire la deuxième version, featuring avec Caleb David. Et c'est aussi ça la richesse d'une œuvre. C'est-à-dire, quand on exécute un chant, on se dit ce cantique-là, je peux l'avoir écrit, mais il faut que telle personne apporte sa voix. Et j'ai aimé. Je crois que le dernier album du pasteur Emmanuel Apata, quand il a repris le chant, un chant de Mike Aswi, je crois, il a fait appel à Dan Kouchiz pour qu'il fasse. C'est important, hein? Oui, c'est important. Cela montre aussi de ce que le corps de Christ est uni. Parce qu'on ne veut pas faire les choses seul. Mm-hmm. et ça montre de la largesse et la dimension de Dieu. Bon, je parle de façon professionnelle, inviter un frère ou une soeur à participer à un album démontre de la largesse de l'amour que nous voulons manifester et la sensibilité que nous voulons pouvoir partager avec les autres. Fait intervenir Dan Kuchiz, c'est une autre sensibilité qu'on aime, parce qu'on veut la musique a une sensibilité qu'on aimerait faire partager à quelqu'un. Donc c'est aussi il veut dire une valeur ajoutée à cette adoration là, parce que vous comprenez, quand deux personnes d'un niveau adorent Dieu, vous voyez, ça fait une symbiose. La Bible déclare tout, c'est important. Là où deux, quand les deux sont rassemblés pour faire, je veux dire, cette harmonie musicale, s'accompagner, pour moi, ça démontre de la présence de Dieu accentuée. Je veux dire ça comme ça. Mm-hmm. De Gritayam, on a écouté Wafi, To Be Praised, tu es digne d'être loué. Oui, célébré. Hein, voilà, You are Jehovah, tu es Jehovah. Well, never look around. Et Kouemé, t'as besoin qu'on écoute le 10, hein? Not my will. Voilà, Jésus a dit, à un moment donné, il dit, où c'est arrivé, ce n'est pas ma volonté. Parce que j'étais moins celui-là. Je l'ai renoncé, mais ta volonté. Yes. Regardez la musique. Alléluia. J'ai l'impression qu'il y a du violon. Not my will, but let yours be done. Yes. Not my will, but let yours be done. Oui, non pas ma volonté, mais la tienne. Not my will, but let yours be done. Oui. Let yours be done. Que ta volonté se fasse. Ouais. Non pas ma volonté, mais la tienne se fasse. Et puis, enfin, moi, ce que j'apprécie, c'est la profondeur de texte, c'est-à-dire le message même. Et puis, remarquez bien, tout tourne autour de ce que Jésus fait. Tu es le Dieu grand, tu es éternel. Il n'y a personne comme toi. Ouais, notre voix. Alors, ici, le tango. Hein? Alors, là, ce que je remarque ici, pour que ce futur me paraisse, on a changé de registre, de gamme. Hein? On revient avant la modulation. Voilà, j'abandonne tout, hein. Je te soulève, j'abandonne tout entre tes mains, voilà, c'est cela. Narcisse. Voilà. Et comme on a exploité que quelques titres, hein, parce que c'est une de 11 titres. Voyou à Jéhovah, Nevalu Kéran, et comme tout le monde. Voilà, non ma volonté, mais la volonté de Dieu. Voilà, je crois que. Et puis The Great I Am, qu'on a aussi écouté. Donc, ouais. Quelques titres. Hein. Mm-hmm. Voilà, on va dire 6 titres. Hein. 6 titres. Voilà, sur 11. Sur 11. Juste à la moitié. Ouais. On parle à fin. Mais j'aimerais que quelqu'un ait l'espérance en Jésus-Christ. Et je vais inviter quelqu'un à se plonger dans le psaume 109. Et surtout dans la version que je tiens, surtout à partir du verset 26, il dit: à l'aide éternelle, mon Dieu, sauve-moi dans ton amour, que mes ennemis puissent reconnaître que c'est toi seul, éternel, toi seul qui fais cela. Écoute-moi. Ils peuvent maudire, toi tu béniras. Ils s'élèvent contre moi, mais toi tu les couvriras de honte, et ton serviteur sera dans la joie. Et je pense que c'est un peu le résumé de l'album de Prosper Chimana pour donner de l'espérance. L'Éternel a des projets pour l'humanité, pour le monde, et notamment pour toi qui nous as écoutés ce soir. Et il dit qu'il a même de changer les situations négatives en bonnes, seulement si tu t'abandonnes à lui, si tu lui laisses faire les choses selon sa pensée, selon sa volonté, selon son dessein pour toi. Et nous partons à la fin de l'émission. C'est ce passage-là que j'aimerais que chacun de nous puisse avoir, le garder. Le psaume 109, le verset 26 au verset 28, pour dire à quelqu'un de garder l'espérance, parce que notre Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et il est le Dieu qui continue de faire des miracles. Il n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'était Ekwueme de Prosper Chimana, représenté par Tuspo Production, qui est situé au plateau d'Okui, juste à côté de la pharmacie Azur. Les points de vente, c'est Radio Fréquence Vie, Cap Sud, Cap Nord, CLC, rue 12, Librairie Carrefour Siloué à Saint-Jean, et tous les autres points de vente que vous connaissez. Et sans oublier Tuxmore. Le CD coûte 3000 francs. Pour toute information, vous pouvez appeler le 07 56 2700, 07 56 2700, ou le 01 41 2704, 01 41 2704. Voilà, Jésus en musique, c'est terminé. On vous encourage à vous approprier cet album qui ne coûte que 3000 francs, on l'a dit. Et puis écoutez, prenez le temps calmement chez vous à la maison, ça va vous faire du bien. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Narcisse Ngata était là avec nous pour parler de cet album. Je rappelle que c'est Oshoma Prosper, voilà. Et comme c'est le titre de l'album, Ntakwere, votre serviteur, on a eu beaucoup de plaisir à vous avoir présenté cette émission. Merci de nous avoir suivis et Dieu vous bénisse. Au revoir. Hey, cool.